Mon mobile ne marche pas. Tu peux me prêter le tien? Oh, qu'est-ce qu'il est joli! Le mien est un vieux modèle. Celui-ci aussi est un vieux modèle. Celui-là, en revanche, est plus récent. Tu as deux mobiles? Non, celui-ci est à moi, mais celui-là est à Jérôme. Le sien est vraiment très sophistiqué. Tu as vu le dernier modèle? Celui qui est tout petit? On dirait un bijou. Ah oui, c'est celui qui est dans la vitrine de la boutique au coin, là-bas. Quelle boutique? Ah oui, celle où on vend des objets de luxe.